J'ai plus de batterie. EZ il marche plus. Je voulais avoir EZ la classe. Mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas compris comment ça marche. Thank you. Thank you.